Ich danke dem Herrn, dass Errettung etwas Persönliches ist. Et je remercie l'Éternel que le salut est personnel. Amen. Everyone is going to give account of him or herself. Jeder muss selbst Zeugnis von sich geben. Et chaque personne va donner un témoignage sur lui-même devant Dieu. The Lord knows every one of us. Der Herr kennt jeden von uns. Parce que Dieu connaît chaque personne de nous. And that is why, you know, I've never heard it from any message that Christ is your neighbor. Ich habe noch nie von irgendeiner Botschaft gehört, dass Christus dein Nachbar ist. Et j'ai jamais entendu dans un message que le Christ est ton prochain. I heard it from the Holy Spirit. Ich habe es vom Heiligen Geist gehört. J'ai écouté du Saint-Esprit. And I believe it. Und ich glaube das. Et je le crois. And I started preaching it. Und ich habe es deswegen gepredigt. Et c'est ça pourquoi j'ai commencé à prêcher sur ça. Because you never deal with any man. Denn du sprichst nicht mit Menschen, sondern mit Christus. Parce que quand tu parles jamais à l'homme, mais à Jésus-Christ. Especially in a living church. Besonders mit, in einer lebendigen Gemeinde. Surtout dans une église vivante. And that is why if your old man is coming, you better let it, you better deal with it immediately. Sollst du direkt damit, direkt kurz einen Prozess damit machen und das rejecten. C'est ça pourquoi quand l'homme ancien veut venir dans ta vie pour, oui, pour agir, tu dois vraiment, oui, l'arrêter directement. I was almost giving up. Ich habe fast aufgegeben diese Woche. Parce que cette semaine, j'étais presque, oui, j'étais presque fini avec. But the Lord said, if there's still one or two that are still listening to him, I should continue. Aber er hat gesagt, wenn es noch ein oder zwei Leute gibt, die noch zuhören, dann mach bitte weiter. Mais l'Éternel m'a dit, s'il y a toujours un ou bien deux personnes, une personne ou bien deux personnes qui continuent à écouter le message, doit continuer aussi. Then he now gave me Genesis 18 to read. Und hat er mir 1. Mose 18 zum Schreiben, zum Lesen gegeben. Après, il m'a donné Genèse 18. Praise the Lord. Amen. You know, when he went to Abraham, because of Sodom and Gomorrah, als er damit, because of Lot also. Als er zu Abraham gegangen ist, wegen Sodom und Gomorrah, wegen Lot. Quand Dieu a parlé à Abraham à cause de Sodom et Gomorrah, from verse 17. Von Vers 17. On peut le lire dans verset 17. Please, let it also be your homework. You can read it at home, and then the Lord will help you to understand it more and more. Amen. Mm-hmm. Lass bitte zu, dass deine Hausaufgabe ist. Und, 1. Mose 18, 17 bis zum Ende. Et Genèse 18, verset 17, jusqu'à la fin, c'est notre devoir. Amen. Amen. So then the Lord said, shall I hide from Abraham that thing which I do? Praise the Lord. Higher. He was, you know, can see the relationship between him and Abraham. Du, ihr seht die Beziehung zwischen ihm und Abraham. Dans verset 17, on peut voir la relation entre Dieu et Abraham. He said he will not hide anything from him. Er wird vor Abraham nichts verbergen. Il a dit, il peut rien cacher devant Abraham. Can the Lord say that about us today? Kann der Herr das zu uns heute sagen? Mais est-ce que Dieu peut le dire sur nous aujourd'hui? Or the Lord will hide things from us. Oder wird der Herr Dinge vor uns verbergen? Ou bien Dieu va même cacher des choses devant nous. Because our heart is so evil. Weil unser Herz so bösartig ist. Parce que notre cœur est vraiment mauvais. Amen. Amen. Because our heart always wants to destroy the house of Christ. Weil unser Herz immer wieder das Haus von Christus zerstören möchte. Parce que notre cœur veut toujours détruire la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Today we will say we are of the Lord. Tomorrow we are doing something else. Heute sagen wir, wir gehören zum Herrn und morgen machen wir was anderes. Aujourd'hui on dit qu'on appartient à Dieu et puis demain nous sommes des autres personnes. I don't know how many will make it to heaven. Ich weiß nicht, wie viele Leute es in den Himmel schaffen. Je ne sais pas combien les gens vont aller au royaume du ciel. But one thing I know, people will be so few. Aber was ich weiß, ist, dass es sehr wenige geben wird. Mais je sais que ce ne sont pas beaucoup les gens qui vont aller au royaume du ciel. Amen. Amen. Because you know, Jesus said, he's talking about the wide gate and the narrow gate. Denn Jesus spricht über das weite Tor und das schmale Tor. Parce que Jésus Christ parle du chemin étroit et du chemin qui est And that alone should help us to know that the people that are going to make it will be so few. Und das allein zeigt uns, dass die Leute, die es schaffen werden, so wenige sein werden. Et ça, ça montre que les gens qui vont aller au royaume de Dieu, ça va être, ils vont être vraiment peu. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Because it is a sign that Abraham shall surely become a great and mighty nation. 18. And all the nations of the earth shall be blessed in him. 19. For I know him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It sounds like the book of John. Amen. Mm. Where he said, my sheep hear my voice and know my voice, and I know my sheep. Praise the Lord. Das hört sich an wie Johannes 10, wo Jesus Christus über seine Schafe spricht, dass seine Schafe seine Stimme hören und er sie kennt. Et la façon comment Dieu parle ici dans verset 18 et 19, so c'est comparable avec Jean 10 où Jésus-Christ dit qu'il connaît ses brebis puis ses brebis connaissent aussi sa voix. Amen. You know the Lord, it's not only the Lord that knows you, Satan also knows you. Nicht nur der Herr kennt, sondern der Satan kennt dich auch. C'est pas seulement l'Éternel qui te connaît, mais aussi le diable qui te connaît. Praise the Lord. Hallelujah. How many times have I said it in this ministry that Satan knows your heart? Wie oft habe ich schon in dieser Gemeinde gesagt, dass der Satan dein Herz kennt? Combien de fois j'ai dit dans cette église que même le diable connaît ton cœur? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. No need to pretend before Christ. You cannot even pretend before Satan. Du kannst nicht vor Christus irgendwas vormachen, aber kannst auch nicht dem Satan irgendwas vormachen. Tu ne peux pas prétendre devant Jésus-Christ et pas aussi devant le diable. Verse 97, for I know him, that he will command his children and his household after him, and that they shall keep the law, the way of the Lord, to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it. Praise the Lord. Hallelujah. So because of time, let us go to the end of it. That is, you know, Abraham started pleading for Lot and the people Abraham over there an in Sodom and Gomorrah. Für die Leute und Lot. Et on peut voir à la fin de cette passage que Abraham avait parlé à Dieu à cause des gens de Sodome et Gomorrah. Amen. Amen. If you read it from verse 27, and Abraham answered and said, behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes. But adventure there shall lack five of the 50 righteous without destroy all the city for lack of five. And he said, if I find there 40 and 5, I will not destroy it. You can see it from 50, then 40, then von from there to 40, to 40, to 30, und zu 30, then at the end to 10. Und am Ende nur noch 10. Et dans verset 28, jusqu'à la fin, on peut voir que Dieu a demandé d'avoir protégé 50 vies, après 40 vies, après 30 vies, jusqu'à ce que ça restait encore au moins seulement 10 personnes. You know, people said, we want to say, this period was not the period of grace. Yes, it's grace. Because if not, the Lord will not allow anybody to even please for them. Und Leute würden sagen, das ist aber nicht die Zeit der Gnade, aber doch, es war Gnade hier, weil das würde der Herr gar nicht mit sich sprechen lassen und sich diskutieren lassen, ob es weniger oder mehr sind. Er würde direkt zuschlagen. Et il y a beaucoup de gens qui disent, bon, ici c'était pas la période de la grâce, mais c'est pas vrai. Ici on peut voir clairement que c'était aussi la période de la grâce, parce que Dieu avait même permis à Abraham de, oui, de demander pour la vie des gens. Verse 32, il s'est dit, il y a au latin, 32, will they still be destroyed? Will you still destroy them? And he said, no. Only 10. They were not found. Nur 10 wurden nicht gefunden. Et dans verset 32 jusqu'à la fin, on peut voir que Dieu pouvait même pas trouver 10 personnes justes. You know, he said to me that if one or two are still there to listen to him, I should continue. Er hat zu mir gesagt, wenn es noch ein oder zwei Leute gibt, die seiner Stimme gehorchen, dann soll ich weitermachen. Und ich werde seiner Stimme gehorchen. Amen. Dieu m'a dit, même si ça reste seulement une personne, mais deux personnes ici dans cette église qui sont prêtes à oui, obéir à la voix du Saint-Esprit, là, je dois continuer, puis je vais aussi continuer avec oui, le message. We are not going to begin from where we stopped on Sunday. We have some few things for us today. Some, you know, he wants his house to be in order. Wir haben heute noch, wenn ich da weitermache, wo wir letztens aufgehört haben, organized, wir haben einige Dinge, organisatorische Dinge, die der Herr möchte, dass wir sie klären. Et je ne vais pas continuer avec le message de semaine passée, mais je vais continuer avec un autre message parce que Dieu veut que sa maison soit en ordre. Amen. Amen. You know, I could have asked somebody to even come and read it out, but because he gave this message, this very points, things we have to do concerning his house to me as a message. That is why I want to even preach it as a message. Und wir hätten das auch einfach, ich hätte es auch einfach jemandem geben können, dass er das einfach runterliest und vorliest. Aber der Herr hat mir diese Dinge, die getan werden sollen, als eine Botschaft mitgegeben und deswegen werde ich sie auch als Botschaft an euch weitergeben. Et normalement, je voulais qu'une autre personne lise oui, le message que j'ai ici, mais Dieu m'a donné vraiment ce sujet à prêcher, ça, pourquoi je vais parler sur ça. It's about the ministry meeting. Es geht um das Meeting der Gemeinde. Il s'agit du meeting de l'église. Which the Lord said he called my meeting. Was der Herr sein Meeting nennt. Que l'Éternel appelle son propre meeting. Donc, rassembler. Amen. Praise the Lord. And also the Bible studies. Auf die Bibelstunde. Et même les études bibliques. But it is more of the ministry meeting. Aber es geht mehr um das Gemeindemeeting. Mais maintenant, c'est plus du meeting de l'église. You know, I thought when he said we should start the meeting, I thought it was because of one of few things that was going on during that period that once it's gone, there will be no need for the meeting. Als wir damals mit den Meetings angefangen haben, dachte ich, es geht einfach nur um ein, zwei Dinge, organisatorische Sachen, die einfach durch die Meetings geklärt werden sollten. Wenn diese Sachen weg sind, dann brauchen wir die Meetings gar nicht mehr. Et quand nous avons commencé avec les réunions, je pensais qu'il s'agissait seulement de un ou deux sujets, puis après on va arrêter avec les réunions, mais maintenant je peux voir qu'il s'agit aussi des autres choses. Praise the Lord. Hallelujah. He said that the ministry meeting is really here. Er sagt, dass das Ministry Meeting wirklich er ist. Il a dit que dans ces réunions, il s'agit vraiment de Dieu lui-même. He said he wants to make it the pillar of the ministry. Er möchte, dass es zur Säule der Gemeinde wird. Il a dit, il veut que ce soit le pilier de l'église. Because it is him himself. Weil es er selbst ist. Parce que c'est lui-même. Praise the Lord. Mm-hmm. And he said, it's not everyone that will be there. Er hat gesagt, nicht jeder wird Teil von diesem Meeting sein, before. Wie es früher der Fall war. Et puis il a dit, c'est plus tout le monde qui va faire partie de cette réunion. Amen. He said the ministry meeting is not for everybody. Das Gemeindemeeting ist für jeden in dieser Gemeinde. Il a dit que les réunions ne sont pas pour tout le monde ici dans cette église. And he also said that it's supposed to be for everybody. Aber er sagt, eigentlich sollte es für jeden sein. Mais il a dit, ça devait être pour tout le monde. He said, because of division and the heart of the people that he wants them to change and they refuse to change. Aber wegen Spaltung. It cannot continue to be for everybody except they repent. And he's giving them 2 weeks to repent. Und wegen diesem unbußfertigen Herzen, das Leute nicht Buße tun wollen, nicht umkehren wollen, deswegen muss da diese Spaltung passieren. Aber er hat den Leuten, hat uns allen 2 Wochen sozusagen Zeit gegeben, um Buße zu tun, um umzukehren, um uns für dieses Meeting zu qualifizieren, jeden Einzelnen für uns für dieses Meeting zu qualifizieren oder eben nicht zu qualifizieren. Et la raison pour laquelle pas chaque personne peut attendre cette réunion, c'est parce que les gens ne sont pas prêts à se repentir à cause de leur cœur mauvais. C'est ça pourquoi il les a donné 2 semaines pour se repentir et pour faire aussi maintenant partie de cette réunion, parce que c'est Jésus-Christ lui-même. He said, Again, the ministry is supposed to be for everybody. Exactly. I mean, the ministry meeting. Mm-hmm. We are supposed to be there. Das Gemeindemeeting sollte eigentlich für uns alle sein. Jeder sollte daran teilhaben. Il a dit que les réunions, ça devait être pour tout le monde. Because here is a living church. Denn hier ist eine lebendige Gemeinde. Parce que ici nous sommes une église vivante. You know, in religious churches, they have meeting, but it's the inner cycle that always have them. Amen. But in his house, he said there is something like that, but it's supposed to be for everybody. But because of the hardness of people's heart, he wants separation. Und normalerweise, also in religiösen Gemeinden, ne, werden diese Meetings immer getrennt von der Masse gemacht. Aber in der lebendigen Gemeinde sollten eigentlich alle zusammenkommen, ne, und gemeinsam dieses Meeting führen. Aber durch die Verhärtung des Herzens, ne, durch die Nicht-Buße tun, kann das nicht funktionieren. Und deswegen muss dann diese Trennung passieren. Et on peut voir même dans les églises religieuses qu'ils ont aussi leur propre réunion avec les gens qui sont vraiment proches, par exemple au pasteur. Et oui, là-bas, les choses comme ça existent aussi, mais dans une église vivante, tout le monde doit faire partie de cette réunion. Mais le problème est toujours que les gens ne sont pas prêts à se repentir, et c'est ça pourquoi il y a maintenant la division. Again, the ministry meeting is supposed to be for everybody because the kingdom of heaven have no subject. There's no subject in the kingdom of heaven. Das Gemeindemeeting sollte eigentlich für jeden sein, weil in der Gemeinde gibt im Königreich des Himmels gibt es keine Untertanen oder Bürger. There's no slave. Da gibt es keine Sklaven oder Knechte. Et le réunion est pour tout le monde parce qu'il n'y a pas, le sujet. Donc, un esclave dans une église vivante. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But the kingdom, amen. The kingdom, is that the kingdom is supposed, his own kingdom is supposed to be the king, the royal family, and the kingdom. Aber im Königreich des Himmels geht es eigentlich um den König, die königliche Familie und das Königreich. Punkt. Da gibt es keine Sklaven, Knecht oder Mägde oder sonstiges. Mais au royaume des cieux, il s'agit du roi et de ses enfants. Il n'y a pas des esclaves ou bien des gens qui sont sous les enfants de Dieu. He said, but because of those that are not ready to renew their mind. Aber wegen denen, die nicht bereit sind, ihre Gedanken zu erneuern. Mais à cause des gens qui ne sont pas prêts à renouveler leurs pensées. He wants the meeting to be for special people. Möchte er, dass das Meeting nur für besondere Leute sind? Il veut que ces réunions soient seulement pour ces gens spéciaux. Chosen by him. Qui font ihm ausgewählt sind. So wie im Himmel. Qui sont choisis par Dieu comme aux cieux. He said in heaven we have this meeting also. Denn im Himmel hat er auch dieses Meeting. Parce que aux cieux il a aussi ses propres réunions. Praise the Lord. Hallelujah. He said, it is only those that are matured that will be part of it. Nur die reif sind, werden Teil von diesem Gemeindemeeting sein. Seulement ceux qui sont matures peuvent faire part de cette réunion. He said, the ministry meeting belongs to the inner cycle. Weil das Gemeindemeeting gehört zum inneren Kreis. Parce que le meeting mais les réunions ça appartient seulement aux proches. Now give me example of heaven. Er hat mir ein Beispiel gegeben vom Himmel. Il m'a donné l'exemple du ciel. He said in heaven there is the inner cycle. Im Himmel gibt es den inneren Kreis. Et au royaume des cieux il y a aussi cette cercle intérieur. The inner cycle is the Lord and all the archangels. Dieser innere Zirkel der Vertrauten, das ist der Herr und die Erzengel. Donc cette réunion sont Dieu et les archanges. We have, you know, he said, we have the angel Gabriel, angel Michael, and there was once Lucifer, amen, as the archangels that were the ins that were just always together. And that move everything forward until Lucifer was cast out. Denn damals waren es ja Engel Michael, Engel Gabriel, Engel Lucifer, die zu dem inneren Zirkel gehört haben, aber dann ist der Engel Lucifer aus dieser Mitte rausgeschmissen worden, wegen seinem Ungehorsam, seiner Rebellion gegen Gott. Mais avant, c'est donc cet cercle, disons cette réunion, c'était entre Dieu, l'archange Gabriel, l'archange Michael et Lucifer. Mais Lucifer a été chassé du ciel parce qu'il a rébellé contre Dieu. Il said the meeting in heaven is still going on, but without Lucifer. Il sagt, das Meeting im Himmel geht immer noch weiter, aber ohne Lucifer. Il a dit que les réunions continuent, mais sans Lucifer. He said the inner circle means the pillar that he himself go through to others. Der innere Zirkel der Vertrauten ist diese Säule, durch die zu anderen geht. Mais les réunions sont les gens qui permettent d'être un vaisseau pour Dieu. He said the inner circles are those he trusts. Der innere Zirkel sind die denen vertraut. Et oui, les réunions ou bien le cercle intérieur, ce sont les gens que Dieu fait confiance. Amen. The inner circle are those that, you know, if you look at that of heaven, the inner circle have angels under them. Der innere Zirkel hat Engel unter ihnen. Le cercle intérieur a les anges sous eux-mêmes. Amen. He said the inner circles are these ones he called the citizens. Der innere Zirkel sind die er die Bürger nennt. Donc le cercle intérieur sont les gens que lui-même il appelle les citoyens du royaume des cieux. Praise the Lord. Amen. And if you look at that of heaven, the inner circle we are the one that we are one with the Lord. Wenn wir uns diesen inneren Zirkel im Himmel anschauen, waren das die eins war mit dem Herrn. Et si on voit le cercle intérieur, ce sont les gens qui étaient proches à Dieu. Just like here. Amen. Just here. Comme ici. Those in the meeting are going to be those that are one with him. Die im Meeting sind, werden die sein, die mit ihm eins sind. Et ceux qui seront dans le cercle intérieur sont les gens qui ont une relation avec Dieu, qui sont proches à Dieu. Amen. Amen. Those that understand Christ properly. Die Christus wirklich verstehen, also vernünftig, richtig verstehen. Ceux qui comprennent Dieu vraiment. The way the Lord wants them to understand him. So wie der Herr möchte, dass verstanden wird. Comme Dieu veut qu'il soit compris. Amen. And not those that today they are believing, tomorrow they are something else. Nicht die heute glauben, morgen sind sie was anderes. Et pas ceux qui croient aujourd'hui et puis demain ils ne croient plus. Amen. And not those that God is always, you know, when the message is preached, you don't even know if they understand it. Ja, oder auch die, wenn die Botschaft gepredigt wird. And how they understand it, and you can. You know, they God can become a dog in their understanding. Dass wenn die Botschaft geprägt wird, dass man nicht genau weiß, ob diese Menschen das wirklich verstanden haben, oder es nicht verdreht verstanden haben, die Dinge auf dem Kopf lesen, dass aus Gott dann auf einmal Dog wird, wenn man es verdreht auf dem Kopf liest. Mm-hmm. Et donc pas les gens qui ne comprennent pas Dieu vraiment propre, les gens qui sont toujours confondus quand le message est prêché. Qui tournent surtout les messages dans leur cœur. Amen. Amen. Those that do not have their own private interpretation. Die nicht ihre eigene private Interpretation von der Wahrheit haben. Pas les gens qui ont leur propre interprétation de la parole de Dieu. Those that will not have their own understanding, the way they want to understand it, their own ways of doing things. Ihre eigene Art und Weise, wie sie Dinge tun, ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Grundsätze, denen sie folgen, aber sich nicht demütigen wollen vor den Grundsätzen des Herrn. Pas les gens qui ont leurs propres principes, leurs propres chemins, qui ne sont pas prêts à se soumettre à Jésus-Christ. He said there is nothing wrong if you do not understand it, but do you want to understand? That's the question. Der Herr sagt, es ist nicht schlimm, wenn ihr mich nicht versteht, aber die Frage ist, wollt ihr mich verstehen? Dieu a dit, ce n'est pas grave si vous ne me comprenez pas, mais est-ce que vous voulez me comprendre? Praise the Lord. Mm. Let's go to Luke 24. Lukas 24. On va lire Luke 24. Praise the Lord. Amen. Luke 24. Lukas 44. Luke 24, verset 45. He said, then he opened their understanding that they might understand the scriptures. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Except the Lord open your understanding, you cannot understand the truth. Erst wenn der Herr unseren Verstand öffnet, können wir die Wahrheit wirklich verstehen. Et si Dieu ne t'ouvre pas ta compréhension, là, tu vas pas être capable à comprendre le message de Dieu. Lucas? Luke 24, verse 45. Okay, 45, okay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said the meeting will not be for those that are, that their understanding are not open. Das Meeting ist nicht für die, deren Verständnis nicht geöffnet ist. Donc les réunions ne sont pas pour les gens que où leurs pensées et leurs compréhensions ne sont pas ouvertes. Amen. And because they refuse to allow it to be open. Weil sie sich weigern, dass es geöffnet wird. Parce qu'ils refusent que leur compréhension soit ouverte. He said that the meeting is not for those that their understanding was once opened. And now it is closed. Das gleiche gilt auch für die, deren Verständnis mal geöffnet war, aber es jetzt nicht mehr geöffnet ist. Für die gilt es auch nicht mehr, dieses Meeting. Et les réunions ne sont plus aussi pour les gens qui ont été compréhensifs, donc leur compréhension ont été ouvertes, mais maintenant c'est fermé. Remember, Lucifer was once one of the inner circle. Oder Lucifer beispielsweise, er gehörte zum inneren Zirkel, aber dann wurde er verscheucht, ausgetrieben. Rappelez-vous que Lucifer il faisait partie du cercle intérieur, mais après il a été chassé. The meeting will not be for those that were once open to the truth, but now are no more. Oder auch nicht für die mal offen waren für die Wahrheit und jetzt nicht mehr. Et les réunions, c'est pas aussi pour les gens qui ont été ouverts pour le message, pour la vérité, mais maintenant ils ne sont plus ouverts pour la vérité. Again, remember, Lucifer was once cast out of heaven. He was once open to the truth. Lucifer war einst offen zur Wahrheit, aber später nicht. Und deswegen wurde verbannt. Rappelez-vous que Lucifer a été aussi, un archange, mais après il a été chassé du ciel parce qu'il n'a pas été prêt à se soumettre à Jésus-Christ. That your understanding is open does not mean it will be open forever. Dass dein Verständnis you geöffnet allow it ist, to be open. Heißt nicht, dass es für immer geöffnet bleibt. Du lässt zu, dass es offen bleibt. Et que ta compréhension est ouverte, ça ne signifie pas que ça va être ouvert pour toujours, parce que c'est toi la personne qui permet que ta compréhension soit ouverte ou pas. Matthew 5, please. Matthew 5. Matthew 5. Matthew 5. Matthäus 5, Vers 16. Matthäus 5, Vers 16. He said, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. He said, you let your light shine, because you can have a light and the light is not shining. Ja, ganz klar, du sollst zulassen, dass dein Licht leuchtet, weil du kannst das Licht haben, aber du unterdrückst es. Verset 16, on a écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc Dieu dit que toi-même, toi, vous, donc vous, vous devez permettre que votre lumière soit allumée. Notice something here, say let. Your light. You let it. You let that light shine. Du lass dein Licht leuchten und lass zu, dass es weiterhin leuchtet. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Donc Dieu parle à toi et que c'est toi la personne qui doit le permettre, pas une autre personne, même pas Dieu. The meeting will not be for those that are still of a hardened heart. Die Botschaft wird nicht sein für ein unbußfertiges Herz haben. Les réunions c'est pas pour les gens qui ont toujours un cœur endurci. Those that refuse to grow. Die sich weigern zu wachsen. Ceux qui refusent à grandir. Amen. Amen. It says through the Bible studies, we also know those that will be part of the meeting. Durch die It's connected. Durch Bibelstunde werden wir halt auch erkennen, wer Teil vom Meeting sein wird. Es ist verbunden. Es hängt voneinander ab. Et à travers les études bibliques, on va aussi savoir qui va faire partie de cette réunion, parce que tout ça c'est toujours connecté avec l'un et l'autre. How you are one with the church, which is the brothers and sisters. Wie du eins bist mit der Gemeinde, mit den Geschwistern in Christus. Amen. Amen. Tout ça, ça dépend de tes frères et sœurs en Christ. Let's go to this some places. Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens 2. Amen. He wants us to be one with one another. Wir haben es einzeln, aber wie viele Leute verstehen es? Wir haben toujours prêché sur Philippiens 2 chaque fois, mais combien de gens sont capables à le comprendre? 3 and 4. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind. Let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Here we do not mind our business, because your business is our business. Hier macht jeder nicht seine eigene Sache, weil deine Sache ist meine Sache. Ici dans cette église, comme on peut voir dans versets 3 et 4, il n'y a pas de gens qui font leurs propres choses, parce que chaque situation appartient aussi à l'autre. Romans 12, please. Romans 12. Romans 12. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 10 and 16. 10 und 16. Verse 10 et 16. It says, be kindly affectioned one to another with brotherly love. Amen. That's Christ, what kind of love? Amen. Dans l'amour de Dieu. In honor, preferring one another. Then in verse 16. Verse 16. Be of the same mind, one toward another. Amen. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceit. A lot are wise in their own concept. Viele sind weise in ihrem eigenen Verständnis. Verset 16 nous dit, ne soyez point sage à vos propres yeux, mais il y a beaucoup de gens qui sont sages à leurs propres yeux. Choosing Christ should be our wisdom. Christus zu wählen sollte unsere Weisheit sein. Mais choisir Jésus-Christ doit être notre sagesse. And not what makes sense to the natural man. Und nicht das, was Sinn macht für den natürlichen Menschen. Et pas ce qui fait, oui, a le sens pour l'homme naturel. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Then Ephesians 2 also said the same thing. Ephesians 2 verse 2, verse Ephesians 4 verse 3 and 4. Ephesians 4, verse 2 and 3. With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Can you see it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He had division in his own heart. Er hat Spaltung in seinem eigenen Haus. Il déteste la division dans sa propre maison. Amen. Amen. People should be very careful. Er soll wirklich aufpassen. Und faire vraiment très attention. He had division in his own heart. Spaltung in seinem Haus. Il déteste la division dans sa propre maison. Don't allow the Lord to deal with you. Lass nicht zu, dass du nicht like it. Dich hochnimmt, das wird dir nicht gefallen. Ne permet pas que Dieu travaille contre toi, tu vas pas l'aimer. 1 Corinthians 10, if you also go there. 1 Corinthians 10. 1 Corinthians 10. Verse 24. 24. Verset 24. Let no man seek his own, but every man another's wealth. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He just wanted to be one. But everyone in his own house should be one. Jeder in seinem Haus eins ist. Verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Donc ça montre que Dieu veut qu'on soit nous tous un, en lui. With our renewed mind, our renewed soul, we can never be one. Mit unerneuten Gedanken und einer unerneuten Seele können wir niemals eins sein. Mais avec des pensées qui ne sont pas renouvelées, on peut pas être un. C'est pas possible. With your own interpretation of things, we can never be one. Mit deiner eigenen Interpretation von Dingen können wir niemals eins sein. Mais avec ta propre interprétation, on peut pas être un. Praise the Lord. He wants us to be one in his house. Er möchte, dass wir eins in seinem Haus. Il veut qu'on soit un dans sa maison. Be saved before him and not before just people. Sei errettet vor ihm, nicht nur vor Leuten. Sois sauvé devant Dieu et pas sauvé seulement devant les gens. Be saved before Christ. Let him see you and know and say, my son, my daughter is saved. Amen. And now people see you. It's not about people seeing you that you are safe. It is not how you cast out devil in your places of work. You pray for people. But in the house of Christ, you solve division. Sei nicht nur errettet vor Menschen, dass Leute wissen, dass du ein Kind Gottes bist, aber der Herr weiß nichts davon, dass du ein Kind Gottes bist. Na, weil das wird so nicht funktionieren, weil wir am Ende des Tages vor ihm stehen werden, nicht vor Menschen. Matthew von 7, uns, wir treiben Dämonen aus, auf der Arbeit oder sonst wo, aber wir sind Werkzeuge des Satans innerhalb der Gemeinde. Das funktioniert so nicht. Et ne permet pas que tu sois sauvé devant les gens, mais tu n'es pas sauvé devant Dieu. Tu dois vraiment te concentrer sur Jésus-Christ, parce qu'à la fin, tu vas être devant Dieu et pas devant l'homme. C'est pas que tu es au travail, tu es un enfant de Dieu, tu prêches, tu chasses même des démons, mais à la maison de Dieu, tu causes la division. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, salvation should start from the ministry, not from outside. Errettung sollte von der Gemeinde aus anfangen. Und nicht draußen erst beginnen. Le salut, ça commence à la maison et pas à la maison de Dieu et pas dehors. Salvation should start from the Bible studies and not outside, where you are walking or the people you meet outside. They know, they call you here. It's always talking about Jesus, but the true God children, they are threatened by you. Errettung sollte im Haus Gottes anfangen. Das kann nicht sein, dass auf der Arbeit kennt man dich als Kind Gottes, ne, als liebenswert und fürsorglich, aber in der Gemeinde hat man, muss man auf Eierschalen laufen, ne, muss man fürchten, wenn man nicht weiß, was im nächsten Moment passiert. Das ist nicht Christus. Et c'est pas que donc le salut ça commence ici à la maison de Dieu où tu as une relation avec les enfants de Dieu et pas dehors où tu prétends d'être une autre personne, mais à la maison de Dieu les enfants de Dieu ne sont pas, même pas capables à partager des choses de toi, ils cachent même la vérité devant toi. Matthieu 7. Matthieu 7. 21-23. Amen. Praise the Lord. Yeah. Matthieu 7, versets 22 et 23, 21 jusqu'à 23. He said, not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Praise the Lord. Hallelujah. The he that doeth the will of my Father, which is in heaven, he that chose me. Mich wählt. And never reject me. Und mich nicht verweigert. No matter how hard the way is. Ja, wie hart der Weg ist. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tout dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verse 22. It said, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Amen. I cast out people, I cast out Satan in people's life, everywhere in places, amen, and in your name have cast out devils, and in your name done many wonderful works. Praise the Lord. That's not salvation. Ja, also hier steht ganz klar, dass in seinem Namen haben sie viele Sachen gemacht. Ne? Sie haben geweissagt, sie haben Dämonen ausgetrieben, Wundertaten vollbracht, aber das ist nicht Errettung. Et verset 22 continue où Jésus-Christ dit, les gens disant, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Mais tout ça, tu peux le faire sans être sauvé, parce que ça, ce n'est pas le salut. And then will I profess unto them, 23. I never knew you. Depart from me, you that walk iniquity. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Salvation begins at home, and which is the ministry, the Bible studies. In der Gemeinde, God children cannot see you as one. You are not one with Christ. Wenn Kinder Gottes dich nicht mit als eins sehen können, dann bist du nicht eins mit Christus. Le salut, ça commence à la maison, donc ça signifie aller à l'église, donc les études bibliques. Si les enfants de Dieu ne peuvent pas être un avec toi, là, ça signifie que tu n'es pas aussi un avec Jésus-Christ. You know, those you believe you are preaching to, you better be one with Christ before going to them to preach, before going to preach to them. If not, you are doing more harm than good. Ja, und die Leute, zu denen wir predigen, you are not one with Christ and you are going out to preach, you are doing more harm than good. Die Leute, zu denen wir predigen, wenn wir nicht eins sind mit Christus, nicht eins sind mit den Kindern Gottes, dann tun wir uns damit richten wir damit mehr Schaden als Heil an. Et si tu n'es pas un avec les enfants de Dieu et tu pars d'ailleurs prêcher, tu causes même le problème que le bien. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Again, the meeting is supposed to be for everybody. Das Meeting sollte eigentlich für jeden sein in dieser Gemeinde. Les réunions devaient être pour tout le monde. But he says some will not be qualified because of their unrenewed soul. Aber der Herr because sagt, of their evil soul. Einige werden nicht qualifiziert sein für dieses Meeting wegen ihrer bösartigen Seele, wegen ihrer unerneuten Seele. Mais là, dit certains ne sont pas qualifiés pour les réunions à cause de leur où ils pensaient qu'ils ne sont pas renouvelés. And also, we even want to be happy that they are not qualified because they want to go home. Und ich weiß, einige vielleicht sogar freuen werden, what they call their time. Nicht qualifiziert zu sein, weil sie dann wegen ihrer Zeit einsparen, nach Hause gehen können, frühzeitig. Et je sais qu'il y a certains gens qui sont même contents de ne pas appartenir au cercle intérieur à cause de leur temps, donc ils préfèrent d'aller à la maison au lieu de faire partie du Christ. You should be sad. Also, let's traurig sein darüber, if you are not qualified. Wenn du nicht qualifiziert bist für das Meeting. Mais si tu n'es pas qualifié pour les réunions, tu dois être triste. Because it is so good for Christ to count you worthy. Denn es ist so gut, von Christus als würdig erachtet zu werden. Mais c'est bien d'être appelé digne de Dieu. It is so good for him to count you worthy to be part of his meeting. Es ist so gut, wenn er dich würdig ernennt, Teil des Meetings zu sein, der Säule von Christus Jesus. Mais c'est vraiment c'est un privilège donc que Dieu te voit comme digne d'appartenir au pilier de l'Église. Amen. You know, just like God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, Angel Michael, Angel Gabriel, they are, you know, this inner circle, they are the pillar of heaven. Genauso wie dieser innere Zirkel im Himmel, Engel Michael, Engel Gabriel, die Säulen des Himmels sind. Comme l'archange Gabriel, l'archange Michael, ils font aussi partie du cercle intérieur. He said, if you are not part of the meeting, you are just like a churchgoer before him. Und der Herr sagt, wenn wir nicht Teil sind von diesem Gemeindemeeting, sind wir einfach nur so wie Kirchengänger für ihn. Et si tu n'appartiens pas à son cercle intérieur, ça signifie que tu es seulement comme une personne qui part à l'église et qui rentre à l'église, donc une personne qui n'a pas vraiment une relation avec lui. And please, I'm saying it to you for the last time, repent. Und ich sage es zum letzten Mal zu euch, tut bitte Buße. Et je te l'ai dit pour la dernière fois, réponds-toi. Amen. Amen. Love correction, love repentance. Stop questioning correction. How Liebe, people correct you. Buße und Belehrung, Korrektur. Hör auf, die Korrektur in Frage zu stellen. Je le dis pour la dernière fois, tu dois aimer la correction. Arrête de demander ou de douter, de questionner la façon comment les gens te corrigent ou pas, te corrigent ou pas. The question how people correct you is no longer about your repentance. It's about how you were corrected. Weil sobald wir in Frage stellen, wie die Korrektur zustande stattgefunden hat, lenken wir vom eigentlichen Problem ab, anstatt selbst Buße zu tun, richten wir das Problem auf die Person, die uns belehrt hat. Parce que quand tu es corrigé, puis tu commences à voir comment la personne t'a corrigé ou pas, c'est là où ça montre que tu n'es pas prêt à te repentir parce que tu enlèves la concentration du problème qui est visible pour tout le monde. We never believe it's Christ that is in this ministry. Wir glauben nicht, dass Christus derjenige ist, der in der Gemeinde ist. On croit jamais que c'est le Christ qui est ici dans cette église. If not, if Christ stand before you and speak to you, you will not tell him he's wrong. Weil wenn Christus vor dir stehen würde und zu dir sprechen würde, dann würdest du nicht sagen, dass er falsch liegt, dass er sich irrt. Si Jésus Christ est devant toi et puis te parle, tu vas jamais dire qu'il a tort. If you like, you repent. Aber wenn es uns gepasst, werden wir Buße tun. Mais si tu es prêt pour le Christ, tu vas te repentir. If you like, continue your evil in your own way. Wenn es uns nicht passt, dann machen wir weiter in unseren bösartigen eigenen Wegen. Mais si tu n'es pas prêt, tu vas continuer avec tes chemins mauvais. Praise the Lord. Hallelujah. In repentance, there is always action. In der Buße gibt's immer eine Handlung. Dans la repentance, il y a toujours l'action. Amen. Amen. Until we see your action, we will not be part of the meeting. Erst wenn wir deine Handlung sehen, können wir, kannst du Teil vom Meeting sein. Jusqu'à ce qu'on voit ta repentance, tu on peut pas ton action, tu peux pas faire partie de réunion. He wants his house to be in order. Er möchte, dass sein Haus in einer Ordnung sich befindet. Il veut nicht in einem Chaos. Il veut que sa maison soit en ordre et pas en désordre. And he wants his house to bear fruit. Und er will, dass sein Haus Frucht bringt. Et puis il veut que sa maison amène des fruits. Amen. Amen. We want to see your action. Faith without action is a dead faith. Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Wir wollen deine Werke sehen hinter dieser Buße. On veut voir tes actions parce que la foi sans l'action, sans l'action, c'est mort. Amen. Amen. In Matthew 18, please let us quickly go to Matthew 18. Matthäus 18. Matthieu 18. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 18 from verse 15. Matthäus 18, Vers 15. Matthieu 18, verset 15. Amen. Amen. He said, moreover, if your brother trespass against thee, go and tell him his fault between you and he alone. If he shall hear thee, thou hast gained your brother. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses, every word may be established. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. The value is just so much. Er schätzt seine Gemeinde so sehr. Ici, dans verset 15 jusqu'à 17, on peut voir qu'il apprécie vraiment son église. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an hidden man and a publican. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We have been speaking to direct people, to correct people a lot through the message here. Wir haben Leute oft belehrt durch die Botschaft hier. Nous avons corrigé les gens beaucoup à travers le message. Amen. Amen. We have spoken to, you know, we have been speaking a lot directly through the message. That's verse 15 that we just read. Amen. Through the message, die Botschaft. We have been correcting you. Haben wir belehrt. A warning. Und gewarnt. À travers le message, nous avons corrigé les gens ici directement dans plusieurs fois. And in verse 16, it talks about you taking brothers and sisters to together and then to whosoever. And here, the brothers and sisters is the Bible studies. Through the Bible studies, you have been spoken to a lot of time to repent, but you refuse to repent. Und hier die Brüder und Schwestern, die man halt mitnimmt in das Gespräch, das ist die Bibelstunde, ne, in der man auch belehrt hat, korrigiert hat. Man hatte Zeit, Buße zu tun, man hat Zeit. Et dans verset 16, on a dit qu'on doit prendre une ou bien deux personnes pour t'aider à te repentir. C'est la même chose comme on le fait dans les études bibliques. Nous avons parlé plusieurs fois dans les études bibliques, mais tu refuses à te repentir. It is as if people are forcing you to be part of the Bible studies. Aber es scheint so, als ob Leute dich zwingen müssen, Teil der Bible study zu sein. C'est comme si les gens te forcent à faire partie des études bibliques. It's the Lord that is speaking to you. Es ist der Herr, der zu dir spricht dort. Mais c'est Dieu qui te parle dans les études bibliques. And you still refuse to change. Und dennoch weigern wir uns zu ändern. Mais tu refuses toujours à t'échanger. Then verse 17 of Matthew 18. Vers 17, 18, Vers 17. Verset 17 et 18. And I gave you 2 weeks to repent. Man gibt jetzt 2 Wochen. Man gibt uns jetzt 2 Wochen Buße zu tun. Maintenant on nous donne ici 2 semaines à se repentir. You can call it whatever you like. Man kann es nennen. Tomato, or whatever. Und Tomato oder sonstiges. Tu peux l'appeler comme tu veux, que c'est un ultimatum. Amen. Amen. 2 weeks to repent. If not, you cannot be one with us in the meeting. You can continue with the meeting, with the service. Du kannst weiter zur Gemeinde continue kommen. With even the Bible studies. Auch zur Bible study weiter. Because it's through there we know you. Weil durch die Bible study kennen wir dich, können wir dich identifizieren. Si après 2 semaines tu n'es pas prêt à te repentir, c'est là tu n'as pas aussi le droit à attendre les réunions. Tu peux venir à l'église, tu peux être là aussi dans les études bibliques parce que c'est à travers les là on te connaît ou pas, mais tu n'as pas le droit de faire partie du cercle intérieur. You know, in service, once we close, everyone go home. Or we just put 1, 2, or 3 things together, we go home. But the Bible studies is where we study one another. Mm-hmm. And we know one another's heart. Bei der Gemeinde, man hört, man kommt hin, man hört und man geht nach Hause. Aber in der Bible Study, da werden die Herzen der Leute offenbart. Ne? Die Erkenntnis der Leute wird offenbart und gezeigt, ob sie von Christus ist oder nicht, ob sie belehrt werden muss oder nicht. Dans, après l'église, on mange, on parle un peu, après tout le monde part à la maison, mais dans les études bibliques, nous avons vraiment le temps de, oui, examiner l'un et l'autre, de juger l'un et l'autre, de savoir, ou bien de connaître même le cœur, si on a besoin de la correction ou pas. I'm talking about what Christ called Bible studies. Ich spreche I'm über not das, what religion called Bible was studies. Christus Bibelstunde nennt, nicht das, was Religion Bibelstunde nennt. Et je parle de ce que Jésus-Christ appelle les études bibliques et pas ce que la religion appelle les études bibliques. You know what religion called Bible studies is all about reading the Bible. Das, was Religion Bibelstunde nennt, da geht es darum, dass man einfach nur die Bibel liest. Parce que dans la religion, quand il parle aussi des études bibliques, il s'agit seulement de lire la Bible. That you cannot see the truth in people's lives. Aber du siehst nicht die Wahrheit im Leben der Menschen. Mais tu ne peux pas voir la vérité dans la vie des gens. The truth should be seen in your everyday life. Die Wahrheit muss in deinem Leben sichtbar sein. Mais la vérité doit être visible dans ta vie. I will quickly go through other few things that you have given us also. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In a living church, correcting pastors is not correcting the message. In einer lebendigen Gemeinde ist die Botschaft zu korrigieren, nicht den Pastor zu korrigieren. You turn it upside down. Nicht, correcting the pastor is not correcting the message. Also den Pastor zu belehren bedeutet nicht die Botschaft zu belehren. De corriger le pasteur, ça signifie que tu corriges le pasteur, ça signifie pas que tu corriges le message. Because the message is coming directly from the Holy Spirit. Weil die Botschaft kommt direkt vom Heiligen Geist. Parce que le message vient directement du Saint-Esprit. You cannot question the message. Du kannst nicht die Botschaft in Frage stellen. Tu ne peux pas douter le message. Because you cannot question the truth. Weil du die Wahrheit nicht in Frage stellen kannst. Parce que tu peux pas douter la vérité. Amen. Because the truth is always final. Weil die Wahrheit ist immer final. Parce que la vérité est toujours final. It is the Alpha and Omega. Es ist Anfang und Ende, Alpha und Omega. C'est l'Alpha et l'Omega, donc le commencement et la fin. The truth is the beginning and the end. Die Wahrheit ist Anfang und Ende. La vérité est le commencement et la fin. I'm talking about the message in a living church. Ich spreche über die Botschaft in einer lebendigen Gemeinde. Je parle du message dans une église vivante. Once you question it, you question Christ. Aber wenn du diese Botschaft in Frage stellst du Christus in Frage. C'est quand tu doutes le message, tu doutes aussi le Christ. Just like you cannot judge the message. Genauso wie du die Botschaft nicht richten kannst. Comme aussi tu ne peux pas juger le message. The message is to judge you. Die Botschaft wird dich richten. Parce que c'est le message qui va te juger. Let's go to 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. Praise the Lord. 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. Amen. Amen. You know, John 12 talk about the message. The word of Christ is our judge. Johannes 12 geht. We always judge you at the end. Geht es um die Botschaft, die unser Richter ist. Et Donc le message, c'est toujours notre juge qui va nous juger à la fin. Amen. And you cannot judge the spirit. Du kannst den Geist nicht richten. Because Christ's word is spirit and life. Denn die Botschaft von Christus ist Geist und Leben. Et toi, tu ne peux pas juger l'esprit parce que le Christ est l'esprit et la vie. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 15. 1 Corinthiens 2, verset 15. But he that is spiritual judgeth all things. That's what the word, Christ's word is your judge. Das Wort von Christus ist dein Richter. We judge you. Amen. Mm. Yet he himself is judge of no man. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Verset 15, l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Donc ça montre aussi que le message, ça te juge. Praise the Lord. Mm-hmm. And in verse 14, it says, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, mm-hmm. for they are foolishness unto him. Mm-hmm. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Until you are in the spirit, you cannot even understand the message. Erst wenn wir im Geist you cannot even understand how I correct you. Können wir die Botschaft verstehen? Können wir auch die? Because I see what you cannot see. Können wir die Belehrung überhaupt verstehen? Denn ich sehe das, was du eben nicht sehen kannst. Et seulement quand tu es en esprit, tu peux comprendre le message. Tu peux aussi comprendre pourquoi je te corrige de la façon comme je te corrige. Amen. Amen. Denn 14 lesen wir, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Parce que dans verset 14, on lit, mais l'homme animal, donc l'homme charnel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. I'm not saying you cannot correct me. If you don't, you can correct a living church pastor. If I have told you that I'm going to on the light and I forgot to on it, then you can tell me, remind me to do it. But once it comes to the message, my eyes speak in Christ to you, you don't correct it. Genau, und das heißt nicht, dass in einer lebendigen Gemeinde kannst du den Pastor belehren, wenn es zum Beispiel um physische Dinge geht, beispielsweise, ich habe gesagt, dass ich das Licht ausmache, ich habe es nicht ausgemacht und du belehrst mich, korrigierst mich darauf hin, dass ich das Licht ausmachen soll. Na, das ist eine andere Sache, als wenn ich die Botschaft predige, die Wahrheit predige und das dann belehrt wird oder das korrigiert wird. Das funktioniert nicht, weil wir damit Christus versuchen zu belehren, Christus damit versuchen zu korrigieren. Das geht nicht. Je ne dis pas que tu ne peux pas corriger un pasteur d'une église vivante quand surtout il s'agit de choses charnelles. Par exemple, si je dis que je vais préparer quelque chose, préparer quelque chose, puis je l'oublie, ce sont des choses physiques, ce ne sont pas des choses importantes. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, donc du Christ, du message, tu n'as pas le droit de me corriger parce que c'est le Christ qui travaille à travers de moi. Praise the Lord. Amen. Amen. You can correct me of the concerning things of the outside, not the things of the spirit. Du kannst mich belehren, wenn es um das Äußerliche geht, aber nicht um den Geist, nicht um die Wahrheit. Tu peux me corriger quand il s'agit de choses extérieures, dans des choses mondaines, mais pas quand il s'agit de la vérité. Amen. Amen. I'm correcting you. You know, churches today, they don't hate this message, grace message. They hate it. They don't want to preach it at all. Because they can see how people abuse it. Gemeinden hassen die Botschaft der Gnade oft, weil sie sehen, wie Menschen dann diese Botschaft missbrauchen für ihre eigenen Werke. Et maintenant, je peux comprendre pourquoi les églises détestent le message de la grâce, parce que les gens abusent toujours cette grâce. Just like I preached before, we are never the same. So wie ich vorher schon mal gepredigt habe, dass wir nicht gleich sind sozusagen. Comme j'ai prêché l'autre fois, nous sommes pas pareils. Because of our soul. Wegen unserer Seele. À cause de notre âme. Praise the Lord. Hallelujah. Because of our heart. Wegen unserem Herzen. À cause de notre cœur. We might have the same Holy Spirit. We might have the same salvation. Your spirit is saved. Your spirit is saved. But we are not still the same. Wir haben die gleiche Rettung, den gleichen Heiligen Geist, den gleichen Geist in Christus Jesus, aber dennoch sind wir nicht gleich wegen der Seele, wegen dem Herzen. Nous avons le même salut, nous avons le même esprit à cause du Christ, mais nous ne sommes pas toujours pareils à cause de notre âme et puis de notre cœur. Correcting you by reminding you of the past. That that you are on the way. Going, you are going back. I can see it, you are going back there. So that you can repent out of it. It's not speaking dead. Und einander zu belehren und einander zu erkennen, wenn jemand wieder in alte Muster verfällt, bedeutet nicht, dass man Tod über diesen Menschen ausspricht. Et quand je t'ai dit que tu es oui, au retour de ton homme ancien et au retour, ça ne signifie pas que je prononce la mort sur ta vie. I can see the smell of the old. Wenn ich das alte wieder riechen kann, die alten Verhaltensmuster wieder riechen kann vom alten Mensch, hasse ich die und werde diese entlarven. Je peux voir les comportements d'hommes anciens, c'est ça pourquoi je suis en train de réagir. We should be even grateful that we have been corrected once it comes to things like even like that. Wir sollten dankbar sein, dass wir belehrt werden, dass wir Menschen haben um uns herum, die das erkennen können. Et on doit être reconnaissant qu'il y a des gens dans nos vies qui sont capables à oui à voir si nous sommes oui si on rentre au passé. I don't speak death and I never speak death. Ich spreche keinen Tod und ich spreche niemals Tod aus. Je prononce pas la mort et je le fais aussi jamais. Once you know, sometimes I speak. Once I get inside, I say, Holy Spirit, what is there anything wrong? You say no. I brought out that word. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Just like Jesus, he never speak death. Und manchmal sage ich Sachen und dann frage ich den Heiligen Geist. Herr, war das zu hart? Habe ich irgendwas falsch gesagt? Aber der Herr sagt, nein, du hast genau das so gesagt, wie ich es dir erwiesen habe, wie du es sagen sollst. Ne? Genauso auch wie Jesus, der nie Tod gesprochen hat. Auch wenn seine Worte scharf waren und feurig waren, war es kein Tod. Il arrive aussi que je me demande pourquoi je dis certaines choses et puis je demande au Saint-Esprit si ça a été mal ou pas. Mais après, il me dit non. Et ça montre aussi que je prononce jamais la mort, comme Jésus-Christ aussi ne prononçait jamais la mort. Maintenant, on va lire Matthieu 16. Matthieu 16. If you read here, you see what happened. Jesus just praised somebody. He praised Peter and said, Jesus hat Petrus gepriesen. Amen. And you know, because of time, verse 16. Matthäus 6, Vers 16. Amen. Matthieu 16, verset 16. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Matthäus 16, and 16. Jesus answered, said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 18. 18. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock will I build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Verse 19. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. You can see how the Lord just enjoyed the revelation that came out through Peter. Der Herr genießt die Offenbarung, die durch Petrus geflossen ist. On peut voir comment Jésus-Christ a apprécié la révélation qui venait de Pierre. Just like I enjoy when you children are choosing the truth. Genauso wie ich es genieße, wenn ihr Kinder Gottes hier die Wahrheit wählt. Comment aussi j'apprécie si vous les enfants vous choisissez la vérité. And I say it in the church. Und ich sage das in der Gemeinde. Je l'ai dit dans l'église. I say it everywhere. Ich sage es überall. Je l'ai dit partout. I'm so proud of. Bin stolz auf die Familie von Christus. Je suis vraiment fier de la famille du Christ. It's not because we just bought a car or a house, but because of Christ. Nicht weil jemand ein Auto, ein Haus oder sonstiges gebaut hat oder gekauft hat, sondern wegen der Wahrheit, die man immer wieder wählt. Pas parce que vous avez acheté une nouvelle maison, une voiture, non, parce que vous obéissez à la vérité.